Merci beaucoup. Je suis très, très honoré d'avoir été invité à participer à ce colloque. Et malheureusement, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu y venir avant. Mais ce que j'en ai entendu et tout le débat qui a commencé à s'instaurer en filigrane me semble très, très intéressant entre, d'un côté, l'exposé magistral que vient de faire Bernard Rougier en s'appuyant sur une sociologie des terrains vécus et réinterprétés, qui a ouvert des pistes très, très fécondes, et de l'autre, les incitations, les remarques de M. Benkirane en ouverture, qui m'ont d'une certaine manière rappelé ma jeunesse. Quand j'étais moi-même en Égypte dans les années 1980, au moment de l'assassinat de Sadat, on était en pleine vogue de l'orientalisme de l'outside. Et à ce moment-là, les objurgations qui étaient faites à la profession, c'était justement d'arrêter de s'intéresser à la noison des tapis berbères et au maslaver, à la wasla, et de descendre dans la rue et de regarder la réalité. Or, aujourd'hui, ce que vous conseillez à la profession, c'est justement de retourner vers la noison du tapis et d'arrêter d'aller à la télévision et de faire de la politologie. Alors, finalement, vous avez raison, hein, je vous donne tout à fait raison de ce point de vue-là. Je crois que la vérité, comme c'est sans doute le cas, mais comme l'exposé de Bernard en a démontré remarquablement la substance, est entre les deux. C'est-à-dire que on ne peut sans doute rien comprendre à ce qui se passe dans des sociétés du Moyen-Orient, et d'ailleurs sans doute, mais c'est le Moyen-Orient, le monde arabe, ou appelons-le comme nous voudrons, et vous allez voir qu'en fait, il y a une question de définition et de frontières qui se pose, jusque et y compris de savoir ce qu'est le vivre ensemble et le bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, on hésite entre le slogan nutritionniste et le consociatisme, c'est ça ici. La République nutritionniste, le consociatisme, c'est finalement la seule religion du Levant, c'est le commerce. Certes, de dire des bêtises. La vérité est entre les deux. C'est-à-dire que, me semble-t-il en tout cas, que c'est en étant comme un poisson dans l'eau parmi les gens, comme le disait le président Mao, un lointain ancêtre de l'outside, qu'on peut peut-être comprendre mieux ce qui se passe. Et aller faire des stages linguistiques, ça permet justement d'apprendre la langue, de se frotter à un dialecte, à deux, à trois, de mettre en perspective la façon dont l'imaginaire social se construit dans le monde du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et aussi d'un certain nombre de banlieues ou de non-banlieues européennes parmi les populations de ce nouveau marjar, qui est le marjar européen aujourd'hui, américain également, mais arabo-musulmans ou musulmans et autre chose. Et je crois que c'est le défi qui nous est posé. Donc je ne crois pas qu'il y ait une opposition terme à terme à faire entre le tapis et d'un côté et la télé. Il faut peut-être faire modérément de l'un et de l'autre, mais surtout voir dans quelle mesure ce que l'on apprend, il n'est pas important d'être tapissier, on peut être tapissier, mais ce n'est pas l'enjeu en termes professionnels, mais c'est de savoir ce que dans le tapis, on apprend de la société, ce qui nous aide à construire les outils conceptuels à travers lesquels on déchiffre la société. Et on en a eu une démonstration dans l'exposé de Bernard Rougier, qui, à travers son exposition intellectuelle et de terrain au Liban, et parmi les livres que vous avez cités, Madame la Doyenne, il y a le travail séminal, comme on dit en anglais, sur Aïn al-Hilwa, le djihad au quotidien, et celui qui prend Nahr el-Bared comme point de départ, mais qui élargit à l'ensemble de la région, l'Oumma en fragments, et qui, dans l'exposé de Bernard tout à l'heure, ont été justement mis à profit pour penser l'Égypte. Parce que Bernard nous a parlé de l'Égypte, bien sûr à partir de son expérience du terrain égyptien, mais également avec des outils conceptuels qui ont été forgés ici. C'est ça qui faisait, je crois, la force de cette démonstration, qui nous a tous saisis. Et c'est ça qui fait la recherche. Alors, c'est ça qui est c'est-à-dire d'utiliser des outils qu'on construit dans un champ et les essayer dans un autre. Et c'est là que se crée le savoir, c'est là que se crée la connaissance à la fois épistémologique et empirique. Et ça, c'est très important. Alors, pour revenir à la question posée donc à la fois nutritionniste et consociative du colloque, au fond, est-ce que aujourd'hui, 3 ans après que Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu à Sidi Ouzi, est-ce que on peut encore utiliser des catégories comme, par exemple, islam? Je suis dubitatif. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Et avant de le faire, je voudrais introduire une petite remarque. Justement, ce qu'on a appelé les révolutions arabes, les événements, tous les auteurs divergent dans le livre auquel vous avez gentiment fait référence, Madame Lavoyenne, tout à l'heure, Passion arabe, qui est un livre de voyage, justement, des 35 voyages que j'ai fait entre 2011 et 2013 dans tous les pays de la région, en bouleversement en tout cas. Il y a un moment au Qatar où je passe pas mal de temps avec le cheikh Youssef El-Kardawi, qui était à l'époque au zénith de sa gloire. Et l'intérêt de suivre ces phénomènes quasiment au jour le jour, c'est de voir que d'une année sur l'autre, les positions de pouvoir se sont renversées complètement en des positions de faiblesse. Les postures qui semblaient figées et ceux qui avaient projeté l'histoire à partir d'un moment où ceux qui avaient risqué des leçons définitives sur les révolutions arabes faites sur Internet quelques mois après leur survenue, sont finalement, se retrouvent maris, gros gens comme devant, parce que le développement des phénomènes sociaux n'a rien à voir avec ça. Et c'est tout un défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'arriver finalement à être à la fois témoin d'événements dont la concaténation, le tasalsol, n'arrive pas à être prévisible, à être prédictible, si vous voulez, et en même temps d'arriver à les intégrer dans une sorte de logiciel qui nous permet de les inscrire en perspective. Les prédire, je crois que c'est extrêmement complexe. Mais en tout cas, essayer de trier ce qui nous semble opportun, pertinent, ce qui ne l'est pas, ce qui suppose de recueillir la parole la plus large possible. Et là, on revient à votre tapis, M. Ben-Kiram, parce que le tapis, justement, la noison, il y a un des textes de Berck sur le tapis berbère qui sont très importants et qui montrent comment, au fond, on mélange savamment des couleurs, des plantes qui ont donné le vert, l'orange, le pistil du safran, exactement, le safran, voilà, j'étais dans l'anti-atlas, etc. Et donc, qui sont aussi, d'une certaine manière, une métonymie de la société qui est composée d'éléments complexes. Prenez la guerre d'Algérie, par exemple. La guerre d'Algérie a été très vite réécrite par les vainqueurs, c'est-à-dire par le FLN, qui a bien sûr eu pour principale tâche, outre de montrer que les Français étaient des salauds, de gommer complètement l'histoire, c'était même beaucoup plus important pour eux, Messali Hadj et le MNA. Et il a fallu, bien après le travail de la Massora, pour rétablir une dimension beaucoup plus épaisse de cette histoire. Dans les révolutions arabes, il y a un élément qui est extrêmement important, et j'en parlais justement aujourd'hui avec un député libanais, qui est la façon dont le mythe fondateur de Mohamed Bouazizi s'est construit et s'est créé. Et là, vous voyez, si effectivement, si on le lit à travers l'Internet, on n'y comprend pas grand-chose. Si on va à Sidi Bouzid, si on comprend ce que c'est que la tribu des Hamdi, à laquelle appartenait la policière, qui a supposément giflé Mohamed Bouazizi, mais on n'est pas complètement sûr. On voit qu'il n'était pas du tout un diplômé chômeur, comme le bruit en a été construit par ceux-là même qui ont construit un discours de mobilisation, mais un marchand des quatre saisons, ce qui n'enlevait rien à son drame, si vous voulez, mais ce qui changeait tout en termes de mobilisation, parce qu'il faut comprendre pourquoi c'est cette immolation par le feu-là qui a été l'étincelle, l'iskra, ou la charara, de la révolution, on ne comprend rien. Et c'est ça le travail des sciences humaines, je préfère au terme de sciences sociales, vous voyez, qui est quelque chose qui justement va au profond, qui est capable d'entrer dans le cœur de la société, et à partir de là, d'en trouver un élément qui va être généralisable, ce que Bernard a fait tout à l'heure. Alors, un point pour terminer sur l'islam. Finalement, ce que ces événements qui se produisent, je parlais de Qardaoui tout à l'heure, j'ai changé de sujet au passage, Qardaoui, quand je le vois à Qatar, me dit il y a 5 révolutions, il y a, dont il estimait être l'acteur principal au passage, donc la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Yémen et la Syrie. Je lui dis, tiens, il me semble qu'il y en a une dont vous ne parlez pas. Évidemment, j'avais compris laquelle. C'était Bahreïn. Il me dit, c'est pas du tout une révolution. Ce sont des protestations, parce que ce sont des vilains chiites qui ont osé s'exprimer et qui ont été justement punis. D'ailleurs, c'était des agents iraniens, etc. Enfin, vous connaissez son argument. Et c'est là que, justement, à partir de là, on se demande dans quelle mesure la validité même d'une notion comme islam, comme facteur explicatif, prend encore son sens. Puisque ce qui est, alors peut-être que ça n'a pas duré, mais qui est l'un des éléments intéressants de cette troisième phase des révolutions, si l'on considère que la première, c'est la chute des régimes, pas partout d'ailleurs, dans les pays les plus homogènes, et ça ne se produit pas en péninsule arabique ou ici pour des raisons pétrolières dans l'une et fragmentaires dans l'autre. Si l'on voit la deuxième phase où, dans un certain nombre de pays, on assiste à la montée en puissance des frères, et Bernard l'a expliqué tout à l'heure, leur capacité à tirer l'essentiel des suffrages grâce à un appareil organisé, mais quand on voit la troisième phase aujourd'hui, elle est caractérisée justement par l'exacerbation des tensions pour ce qui est justement la ressource islamique en termes de mobilisation. À l'intérieur du monde sunnite, d'abord, l'exacerbation des tensions entre ceux qui se réclament de l'univers des frères musulmans et ceux qui le détestent, a atteint un paroxysme jamais égalé, avec la répression, la destitution de Morsi, appelez ça comme vous voudrez, là, l'objet n'est pas là aujourd'hui, et le symbole le plus étonnant, avec une Arabie saoudite qui est aujourd'hui à la fois à contre-emploi et dans tous les sens, puisqu'elle surfinance ceux qui ont renversé Morsi, mais où on a aussi une partie, disons, des intérêts divers saoudiens et golfiotes qui sont les armuriers, les financiers, etc., de Jabhat al-Nusra et de l'État islamique du Levant et du Chem. Donc on a même à l'intérieur du monde sunnite cette référence à l'islam comme horizon indépassable de la mobilisation, qui est aujourd'hui complètement fragmentée et qui fait qu'on s'étripe avec ardeur, oui. Narcissisme des petites différences musulmanes étant au moins aussi fort ou sunnite que les autres. Mais ça n'est rien encore par rapport justement à l'accroissement du clivage sunnite-chiite, pour lequel évidemment je n'ai pas besoin de faire de dessin à quiconque au Liban et dans la région, et qui est quelque chose qui est là encore extrêmement difficile à comprendre et à interpréter. Alors, il faut essayer de comprendre sur quoi il s'articule. Alors là, on est en plein dans le, dans le vivre ensemble, justement, deux exemples, et je m'arrêterai là. La Libye a complètement explosé. La Libye, aujourd'hui, est faite de territoires juxtaposés. À base tribale pour l'essentiel et de confédération, mais qui finissent toutefois par fonctionner d'une manière minimale, mais sans être dans une conflictualité majeure les uns avec les autres. On n'a pas Zintan n'attaque pas, par exemple, Tripoli ou Misrata. Il n'y a pas une armée de Zintan qui va détruire Misrata, une armée de Misrata qui va détruire Sirte. C'était le cas pendant l'époque Kadhafi, c'est la fin de Kadhafi, c'est plus le cas maintenant. Puisque d'une certaine manière, la répartition de ce qui reste de la rente pétrolière se fait de façon informelle. Et chacun fait pression pour avoir ça. Avec cette conséquence qu'il n'y a plus d'État. L'État n'est plus qu'une machine à redistribuer informellement de la rente. Mais on a ce type de situation dans la façon qu'on observe, dans la manière dont est en train de se recréer une géographie de la Syrie aujourd'hui. Une géographie de la Syrie qui est évolutive, qui, pour les Français, évoque certaines cartes du mandat, d'une certaine façon, où on a, à part que la capitale de l'État des Alaouites n'est plus l'attaquée aujourd'hui, elle est Tartous, puisque celle-ci est plus, d'abord, ethniquement, une purification ethnique, si j'ose dire, plus importante, puisque le port et la base russe est là, parce qu'elle est plus proche de la route qui va vers Homs et Damas. Et on retrouve aussi, en termes historiques, des choses tout à fait extraordinaires. On savait déjà que le château croisé de Beaufort, avait une importance stratégique dans les gestions du pouvoir au sud Liban. Maintenant, on découvre que c'est le krach des chevaliers qui est de nouveau devenu une place forte stratégique, qui est tout à fait extraordinaire, ce point de vue-là. Et donc, on a là quelque chose qui, justement, nous... Et là, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, si on ne sait pas ce qui se passe. Si on n'a aucune idée de ce qu'était le krach des chevaliers. Donc, effectivement, il est important de connaître l'histoire, il est important aussi, mais c'est difficile, parce que, par-delà la comparaison anecdotique que je viens de faire, c'est très complexe d'être en avoir à la fois la connaissance des enjeux et des rapports de force aujourd'hui et celle de ce qui s'est passé à l'époque des Francs-Indes. Donc, il me semble que cette convivence contemporaine s'inscrit dans un système de référentiel qui a complètement changé. Est-ce que les territoires sont encore des... Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui reste hein ? On est ici sur la ligne de front, quasiment. On était en train de parler de ça tout à l'heure sur le balcon. Et la remarque qu'on se faisait, c'est que tant qu'on construisait des buildings ici, il y avait encore des investisseurs qui pensaient qu'il y avait la possibilité de continuer. Est-ce que ça s'est territorialisé ? Est-ce que Solidaire est une forme de cette territorialisation ou au contraire son double inversé ? Je ne sais pas, mais il me semble qu'on est là avec les révolutions arabes dans une situation où nous sommes finalement contraints, mais c'est le travail même des sciences humaines, de repenser en permanence les outils avec lesquels nous travaillons. Et pour pouvoir repenser ces outils, il faut avoir l'accès au terrain. Et ça, c'est absolument fondamental dans notre discipline. Alors, je ne dis pas que les sciences du livre ou de l'érudition ne sont pas pertinentes. Au contraire, elles ont leur pertinence. Mais pour ce qui est des sciences humaines et sociales, c'est l'accès au terrain et la capacité à retravailler à partir de cet accès au terrain en permanence l'appareillage et les outils conceptuels dont nous nous servons. Voilà, merci.